êtes assis. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Sébastien Edgartin exploitera la ressource inépuisable qui est l'actualité dans son bulletin Gartin. Et Tania épuisera une ressource exploitable sa propre personne dans Tania Escola Entertainment. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki, on est en direct des studios de CIFO à Trois-Rivières en ce mercredi 24 février 2016, 62 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016, je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania! Ça va bien? Oui, joyeux Noël! Hey, joyeux Noël, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais! Bonne il année! Neige. Il neige tellement, c'est hey, fun! Hey, c'est plus là, présentement, il neige plus que tout à l'heure. Mais moins que plus tard. Oh, peut-être, ah. Qui sait? C'est Et ça. C'est vraiment des gros torchons. Des torchons, j'ai jamais entendu cette expression-là du tout. Ouais, des torchons. Gros torchons. Et à chaque torchon, ça guenille. Et voilà. Et nous voilà arrivés. Donc aujourd'hui à l'émission, Tania, on a bien sûr Sébastien F. Gartin et sa chronique Le Bulletin Gartin. À 8h, on va parler d'actualité. On va essayer d'explorer un petit peu un sujet qui est quand même connu de l'actualité. Mm-hmm. Essayer de le démystifier un petit peu. À 8h30, malheureusement, on n'a pas Frédéric Bernard aujourd'hui. Non, malheureusement, il n'est pas disponible pour sa chronique. Donc à la place, on va faire d'autres affaires entre toi et moi. Je sais que ta chronique s'en vient plus tard. Oui. Tania Escola Tania, qu'est-ce qui va se passer? Bien, je vais vous présenter 6 femmes de ce monde qu'on connaît peut-être plus ou moins, mais qui sont vraiment très inspirantes et que tout le monde devrait, en théorie, connaître. Wow! Ouais. Toujours le fun. Tu nous as déjà parlé de femmes dans ta chronique, mais oui. Là, ça va d'autres femmes. Et voilà. Voilà. Alors là aussi, on va s'acheter des gadgets dans « Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a ». Et on va commencer l'émission dans quelques instants avec le bloc pub. Mais avant ça... Une petite pièce de You Say Party. Oh! C'est une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Oui. Lui, il s'appelait avant You Say Party, We Say Die. OK. C'était un peu lugubre et obscur. Donc, les voici avec juste You Say Party et la pièce Ignorance à Assemblage Reiki. C'est bon. 89 FM. Ignorance de You Say Party, nouvelle entrée du palmarès anglophone à Assemblage Requis. Ah, pour faire le party, hein, oui. T'as besoin de quoi dans vie? De musique. De musique, oui. De gens. De gens. De gens, de petites crécelles. De quoi? De crécelles. C'est quoi ça? L'affaire qui tourne et qui fait du bruit. Ah, tu vas à un party avec ça, toi? Ben oui. Ah, OK. C'est de même que ça se passe dans des films à TV tout le temps. Ils font le party avec des crécelles. Puis là, le party commence, puis à un moment donné, ça arrête, puis il y a une pub, tu sais. Ça, c'est parce que tu le regardes à TV, puis c'est plein de regarder des films à TV. C'est le bloc pub. Venez au beau marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Je préfère le gouda. C'est le bloc pub, la colline dans laquelle on parle d'idées de marketing. On essaie de vendre des choses aux gens. Il y a une nouvelle émission qui s'appelle Jekyll and Hyde. D'accord. Sur CBC. Et Jekyll and Hyde est maintenant en affichage dans les nouveaux abribus interactifs d'Astral Affichage de Toronto. 10 abribus ont été transformés en sites interactifs avec écran tactile et mise à jour à distance du contenu. Pour faire la promotion de la série télévisée Jekyll and Hyde, la CBC a lancé une campagne dans les nouveaux abribus interactifs. 2 semaines avant la première, 10 abribus stratégiques du centre-ville ont ainsi été transformés en sites interactifs comprenant des écrans tactiles pouvant diffuser des messages audio et vidéo. Les téléspectateurs pouvaient ainsi visionner 3 bandes-annonces de la série et des extraits de ses 3 premiers épisodes. La CBC a aussi profité de la fonction de mise à jour à distance du contenu des abribus puisqu'à la mi-campagne, les 3 bandes-annonces ont été remplacées par une 4e et par des portraits plus approfondis de Jekyll, Lily et Bella, les personnages principaux de la série. C'est le fun, une publicité interactive. T'as envie d'y toucher. C'est vrai. Plus qu'un panneau où ça bouge pas. Mais déjà, en partant, ça te donne le goût de savoir c'est quoi l'émission en tant que telle. Exactement, tout à fait. Même si l'affiche en tant que telle est déjà attirante, parce que bon, le gars a l'air perturbé, tu te demandes vraiment pourquoi. Donc non, c'est un bon petit principe. On va voir ça de plus en plus. C'est beaucoup plus cher à installer, tu laisses à la moindre endroit, mais quand même. Ça fait parler. Oui, une autre affiche numérique fascinante cette fois-ci pour The Magicians. Une nouvelle série du réseau Showcase au Canada, une adaptation télé de la série de livres de l'auteur Lev Grossman. Mm-hmm. Pattison Affichage a créé une affiche numérique qui a suscité la curiosité dans le réseau PATH de Toronto, au Metro Centre près de Roy Thompson Hall et de la station St. Andrew. Suis-je capable de voir l'extrait vidéo? On va bien voir. Je crois que non. Toi, est-ce que tu es capable? Oui, je la vois, mais on dirait que c'est très difficile à expliquer parce que c'est comme filmé très, très loin quand même. Pour l'instant. On dirait que les gens passent puis il y a comme une brume autour d'eux. Et là, ça dure vraiment quand même assez longtemps. Les gens s'arrêtent, se demandent qu'est-ce qui se passe. Et sur l'écran, c'est marqué « Que voyez-vous? » « Que voyez-vous? » Et là, je vais essayer d'avancer pour voir quelle est la réponse, en fait. Et je pense en fait tout simplement que ça... Ouais, c'est ça. Il y a un côté qui vient apparaître et là, c'est l'annonce de The Magician qui vient complémentariser le côté. Ouh. Où vous voyez avec une espèce de brume de magie parce qu'en fait, tout tourne autour d'une fameuse drogue. Ah! Et c'est ce qui fait qu'on verrait les gens avec cette fameuse brume-là autour d'eux. Une bonne petite musique. Ouais. Fuck. Mais on dirait que la musique ne fit pas avec les vidéos. Non, c'est ça, c'est pas assez obscur comme Jekyll and Hyde tout à l'heure. Ensuite, vous irez voir le lien sur assemblagerequis.com, comme toujours. Puis c'est ma job plus tard aujourd'hui ou demain d'installer Flash sur cet ordinateur. Les sites en HTML5 marchent super bien, mais les Flash, ça marche plutôt pas du tout. Maintenant, c'est l'hiver. On sait sur la route reliant Vancouver et Whistler, McDonald's affiche le niveau de neige en temps réel sur des panneaux numériques, une campagne signée par le bureau de Cossette à Vancouver. Sur ces panneaux-là, la neige est représentée par les McCafés. Okay. Par exemple, une journée où il y aura de faibles précipitations, le café sera recouvert d'un soupçon de mousse de lait. Les journées où il y aura de fortes précipitations de neige, le café sera recouvert d'une généreuse portion de crème fouettée. La campagne qui sera active durant tout le mois de février est située à un endroit stratégique et l'autoroute 99 à Squamish en Colombie-Britannique est le chemin menant à la station de ski Blackcomb à Whistler. Je pense qu'on avait fait le même exercice, mais avec qu'est-ce qu'on devrait manger selon la température extérieure. Je me rappelle aussi un McMuffin avec le soleil, il me semble. Oui, exactement. Ouais. Selon l'heure de la journée, la publicité changeait selon aussi la météo. Mais là, je dois avouer que c'est quand même cool selon le nombre de précipitations qu'il y a. C'est vraiment excellent. On voit à côté de la crème, il y a le nombre de centimètres qui va tomber. Whistler Snow Report, 11 centimètres, puis c'est juste un petit peu de crème fouettée. C'est vraiment très, très bien. Maintenant, on parle de violence conjugale. Brad réalise une publicité pour SOS Violence Conjugale dans laquelle le message est clair: rien n'excuse la violence. Brad a choisi de déployer cette offensive principalement dans les publications destinées à un jeune public en raison des statistiques indiquant qu'au Québec, près de 40% des victimes de violence conjugale sont âgées entre 18 et 29 ans. Selon la directrice générale de SOS Violence Conjugale, chaque année, plus de 25 000 personnes frappent à la porte de l'organisme. Si le nombre demeure sensiblement le même, leur âge diminue, d'où l'importance de s'adresser directement à un public plus jeune. Cette offensive ponctuelle suit la nouvelle campagne de sensibilisation de Brad pour SOS et violence conjugale lancée en décembre dernier. Donc on voit sur une affiche un bouquet de fleurs enveloppé de plastique, sauf qu'à la place d'avoir des fleurs, ce sont des points fermés. Mm-hmm. Hein, et ça dit rien d'excuse à la violence. C'est très bon comme annonce. C'est sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est frappant. Via Rail maintenant, tiens, on a parlé de McDonald's tantôt qui s'adaptait, oui, à la météo. Via Rail s'adapte aussi à la météo. Signé encore une fois Cossette, la plus récente campagne intégrée de Via Rail invite les Canadiens à prendre le train pour déjouer l'hiver et ses intempéries. Efficace et sécuritaire, telle est la promesse de Via Rail Canada quant à son mode de transport. La compagnie ferroviaire veut montrer aux voyageurs intra-corridor entre Montréal et Toronto qu'en choisissant le train comme mode de transport, il est possible de déjouer l'hiver rigoureux et ses impacts négatifs. Développées en temps réel, les communications s'intensifient à l'approche d'une tempête avec l'ajout de nouveaux éléments créatifs pour inciter les Canadiens à prévoir leurs déplacements en conséquence. Donc, panneaux numériques sur les autoroutes, prise de contrôle de sites de météo, pre-roll, donc ça c'est des publicités avant des vidéos, bannières sur l'application de navigation communautaire Waze, journaux, médias sociaux et marketing relationnel avec les membres de Via Préférence. Donc, tiens, on voit sur des affiches, hein, tiens, mm-hmm, on dit « Hey Winter, show me what you got ». Hey, hiver, montre-moi ce que t'as. Hiver, t'es juste pas de taille, dit Mike. T'as expecting a storm on Wednesday, donc on s'attend à une tempête mercredi. Et tu vois que les affiches sur les panneaux publicitaires changent avec le temps. Dans le fond, une grosse pancarte pourrait dire tempête de neige demain, avec le demain souligné, pour qu'on on sache que c'est vraiment relatif au temps qu'il fait en ce moment. C'est quand même cool. C'est très cool. Ouais, j'aime bien. Ensuite, Snickers, qui vient de mettre le plus gros fail de Photoshop à l'arrière du célèbre magazine Sports Illustrated et leur numéro de maillot de bain. Hein? OK. Donc, à l'arrière, en fait, bon, la couverture avant du numéro maillot de bain de Sports Illustrated essaie d'être plus progressive cette année. On a entendu parler, oh, une de trois couleurs a la top modèle qui, entre guillemets, est plus size, mais qui, dans le format humain, est juste taille normale, mm-hmm, Ashley Graham. Mais par contre, sur la couverture arrière, on a une parodie du processus du airbrushing et c'est grâce à Snickers. Donc, c'est une publicité qui vient de BBDO New York qui montre une top modèle qui intentionnellement a été photoshopée de partout pour être parfaitement proportionnée, mm-hmm, bien bronzée. Mais la personne qui retouchait la photo dans la parodie de publicité ici a oublié un paquet de choses, probablement parce qu'il avait faim à cette publicité de Snickers. Donc, les retoucheurs sont confus lorsqu'ils sont affamés, dit le grand titre, avec une de ces marques qu'il a, Hunger Bars, qui remplace donc le nom de Snickers sur l'emballage pour les symptômes de faim. Hein? Donc, on peut voir la publicité sur assemblagerequis.com, mais c'est clair comme message qu'il a oublié plein de détails. Par exemple, bon, la poignée de la sacoche fond dans la mer derrière. Le pied, il y a un petit fade sur son gros talon qui fade dans la neige, le sable. Et comme on a dit tantôt, ben en fait, je pense qu'on l'a pas dit, mais la main sur l'épaule de la fille. Ah ouais, c'est assez évident. Hein? D'une autre personne qui a oublié d'être enlevée. Le gars, il avait faim. Mais oui, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Sinon, il y a aussi d'autres parodies similaires. Donc, on voit une top modèle sur la plage avec du sable partout en face, comme une grosse tempête de sable. Et ça dit, les opérateurs de machines à vent deviennent un petit peu confus lorsqu'ils ont faim aussi. Donc voilà, c'est la deuxième année que Snickers et BBDO prennent la couverture arrière du magazine Sports Illustrated édition maillot de bain. Hein? Ensuite, chez Virgin en Australie, Virgin, mm-hmm, a traité Kanye West de douche sur Twitter et c'était la faute de leur agence. Carrot Australia a pris le blâme et s'est excusé. C'est un tweet hors contexte qui est arrivé sur le fil officiel de Twitter de Virgin en Australie. At Kanye West, EAD, you a douche. Donc, eat a dick, mm-hmm, you douche. Donc, eat a dick comme mange un. Hein? Et ça a rapidement disparu, mais ça a été évidemment sauvegardé et partagé partout. Mais c'était la faute de l'agence de Virgin Australia. Je pense plus que c'est comme un agent. Un agent de la compagnie qui en fait pensait être sur son propre Twitter. Ah, oh, oh. Mais qui malheureusement était sur le Twitter de la compagnie. Attends un petit peu. Parce que selon le tweet de la compagnie, ouais, c'est qui a été malheureusement posté sur le compte de Virgin Australia, mais par erreur. Ça dit donc que Carrot Australia, qui est la ligne aérienne comme client, donc client, on parle d'agence publicitaire autour de la chaîne. Oui. Non pas d'un agent comme dans l'agent de quelqu'un, mais c'est l'agent comme une compagnie qui a envoyé ça sans faire exprès, en effet, sur le compte de Virgin Australia. Tout à fait. C'est quand même drôle. Oui, c'est ça. Ensuite, c'est une ligne de Cologne pour une marque de prêt de voiture. Oh! Qui peut aider les gens à sentir comme un pick-up sale. Ouais, bon, j'irais peut-être pas là. C'était au North American International Auto Show, Ally Auto, donc une compagnie qui finance les ventes de voitures. La location de voitures, c'est une filiale de Ally Bank, a choisi une façon fragrante, odorante de se démarquer en mettant 8 colognes à thématique voiture, que ça va de muscle car à family wagon. Donc ça sent l'oxyde de nitrous oxide, comment t'appelles ça en français? Nitrous oxide, je connais absolument pas les termes. Testostérone, caoutchouc brûlé. Des serviettes pour bébé, des crayons de cire et le regret. Le regret. Le regret. Donc, le communiqué de presse dit que c'est comme un comptoir de parfum dans un magasin, dans un grand magasin. Donc, on attire les gens avec ces odeurs-là. C'est chez Ally Auto. Voilà. Ensuite, Jeep fabrique des masques pour le visage. Oh! D'édition limitée. Ah ouais? Pour parler de Jeep. Donc, c'est le 75e anniversaire de Jeep en ce moment. Donc, côté marketing, en tout cas, ils disent que c'est leur 75e anniversaire. Là, j'imagine qu'il n'y a pas de date exacte, mais ça dit que pour le marketing, on a choisi cette année comme 75e anniversaire. Donc, la marque Fiat Chrysler a eu deux publicités pour le Super Bowl 50 récemment. Et maintenant, il y a une cascade de Jeep en Allemagne avec le studio créatif Parasol Island. C'est des masques de boîte édition limitée. Pour ceux qui n'ont pas la chance avec les Jeeps de ville, de salir leur Jeep comme ils aimeraient. Tu comprends? Donc, les Jeep... C'est quand même drôle. Les Jeep Mud Masks contiennent exactement ce qu'un aventurier hors route s'ennuie d'avoir, donc lorsqu'il est en ville, 100% de vraie terre et saleté. Et puis c'est ça, c'est pour réussir à s'échapper alors que t'es pas capable dans la vraie vie. Give your Jeep back its natural look of adventure. Donc, un masque pour le visage, mais pour le visage de votre voiture, on s'entend là-dessus. Mm-hmm. Donc, Jeep... et puis la petite publicité est en noir et blanc avec l'ambassadeur de la marque Elias M. Barek et la Jeep Renegade. Vous pouvez voir la publicité sur assemblagerequis.com. Les masques de boue ne sont pas à vendre. Il y en a seulement 75 qui ont été faits. Les fans de Jeep doivent visiter le Jeep.de pour s'inscrire pour avoir la chance de gagner un de ces traitements de beauté exclusifs aux aventuriers. Voilà. Sinon, il y a un petit livre qui vient avec. Puis le petit pot est dans une canne. Une canne comme du chocolat chaud, je te dirais que ça ressemble pas mal à du chocolat chaud. C'est vrai, hein? Mais ouais. Je suis sûr qu'ils vont finir par les vendre, finalement. Probablement. Comme un truc de marketing, ça se vend ouais. toujours. Ensuite, je vais aller avec celui-là, tu sais, Stoli. Stoli, pardonnez-moi. Avec des publicités, topless pour le premier numéro de Playboy sans nudité. Tu sais que Playboy sortait oui. un numéro, son premier numéro sans nudité. Donc, topless, évidemment, sans le top. Je pense qu'on n'a pas besoin de traduire ça. Mais ce qu'ils ont fait pour différents produits, c'est qu'ils ont mis le produit, mais sans leur top, sans leur dessus de produit. Hein? Ah oui! Donc, des bouteilles de vodka imprimées donc de Stolichnaya par The Martin Agency. Vous pouvez voir les produits sur assemblagerequis.com. Donc, la seule photo topless dans ce numéro. Et là, on a une photo d'une vodka Stolichnaya sans son dessus de bouteille qui se fond dans le décor à l'arrière. Et on voit juste le bas de la bouteille et le bouchon, finalement. Même chose pour un paquet d'autres bouteilles. Il y a aussi le texte « Unlike the Playmates, you can bring these beauties home ». Donc, contrairement aux Playmates dans le magazine, vous pouvez ramener ces beautés-là à la maison. On vous laisse un petit peu d'imagination. Voilà, est une autre de leur publicité. Ensuite, une compagnie britannique qui couvre le Copenhagen d'affiches pour la Saint-Valentin qui vient de passer. Hein? Donc, c'est Valentine's David. David Van Felton, qui est un fan des publicités, de marketing, et l'agence créative britannique qui a récemment déménagé de New York à Copenhagen. Dans le fond, ce gars-là, c'est un homme de marketing et il avait de la difficulté à trouver une femme au Danemark. Donc, pour la Saint-Valentin, il a posté 100 affiches autour de la ville montrant son beau sourire avec le message « Have you seen this guy? Avez-vous vu ce gars-là? Est-ce que vous aimeriez le voir? » Et là, il y a des morceaux à déchirer en bas de cette feuille-là pour les romantiques ou les romantiques en devenir pour contacter Felton sur Twitter avec le hashtag Valentine's David. Il y a eu cette idée-là au mois de janvier alors qu'il avait de la difficulté à trouver un seul match Tinder. À qui dis-tu? Mais donc, à la place de déprimer, il a trouvé une façon romantique de trouver quelqu'un. Felton n'a pas réussi à avoir de rendez-vous pour la journée de la Saint-Valentin, mais il a reçu quelques tweets amusants et une note d'intérêt de la part d'une fille un petit peu en retard le 15 février. Donc, Jeanette Fries qui dit, et je cite, « J'ai lu un reportage à ton sujet aujourd'hui. Je suis trop tard, en retard pour être ta Valentine, mais si tu cherches toujours un rendez-vous, je suis disponible. » Ouh! Une Danoise. Qui sait? Que c'est joli. Apparemment qu'ils s'entendent très bien d'ailleurs. Sam Raimi vient de réaliser un mini-film d'horreur pour Chevrolet. OK. Donc, Sam Raimi, bien sûr, réalisateur de films. On le connaît pour quel film déjà, Sam Raimi? Je pense que c'est les... ceux avec... Attends, on va aller voir sur IMDb avant de dire n'importe quoi. Sam Raimi pour le Spider-Man 3. Oui. On le connaît pour Evil Dead, c'est ce que je cherchais. Evil Dead et Shaun vs. Evil Dead, la série en ce moment. Et un paquet d'autres comme ça. Bref, Sam Raimi pour Chevrolet. Hein? Donc, c'est pour le modèle Malibu et Cruise de 2016. Et, on va regarder la place. On va regarder un petit film d'horreur. On va essayer de le décrire le mieux possible avec toutes ses caractéristiques de sécurité pour public sélectionné. On voit une dame arriver avec une grosse valise dans un château qui a l'air, foi, assez lugubre. Elle enlève son capuchon. Tout est sale et n'importe comment. Ça a l'air de ne pas avoir été vécu dedans depuis un bon bout. Là, elle voit une lettre. Qu'est-ce que c'est? Là, la fille s'énerve. Là, elle voit des visions dans sa tête. C'est pas la vraie vie. Il y a quelqu'un qui lui passe derrière, mais il y a vraiment personne. C'est un fantôme. Le fantôme monte les escaliers. On arrive vers une porte. Elle met sa main devant elle pour aller ouvrir la porte. Elle met sa main presque sur la poignée. On voit de la lumière en dessous de la porte. Ses yeux s'ouvrent grands. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Là, sa main est sur la poignée. Elle a l'air d'avoir peur. Elle dit quoi? On crie, il y a un monstre là-dedans. Allez, allez-vous-en! Yeah. Oui. Elle recule. Thanks. Merci. Ce serait pas génial si on vous avertissait avant que de mauvaises choses arrivent. Avec plusieurs caractéristiques de sécurité, les toutes nouvelles Malibu et Cruise 2016 peuvent vous aider à éviter le danger. Chevrolet. C'est bon, c'est une belle idée. Cool. J'adore ça. Sam Raimi, bravo. Bravo. C'est quand même sympathique. Très. Ensuite, The Martian, le film The Martian... Hein? Aide à vendre de vraies patates. Je sais pas si t'as vu les extraits du film The Martian avec les patates, non? Bref, c'est ça, c'est sur Reddit qu'on a remarqué cette photo du DVD du film The Martian placé stratégiquement au-dessus de paniers de patates. C'est devenu donc super populaire sur Reddit. Pour les gens qui ont vu le film ou lu le livre, vous allez comprendre que le protagoniste du film ou du livre, Mark Watney, joué dans Matt Damon dans le film, hein? Essaie de faire pousser des patates sur la terre martienne. Voilà, donc pour ceux, évidemment, qui ont vu le film, le DVD de The Martian, ça a du sens de le mettre sur des patates pour faire vendre les patates. Parce que dans le film, il essaie de faire pousser des patates. On se comprend. C'est pour la version DVD et Blu-ray, évidemment, qu'on a affiché ça au-dessus de patates. Ensuite, Bike Town, c'est un programme de partage de vélo un peu à la Bixi, là, mais à Portland, en Oregon. Nike, qui est basé là-bas à Portland depuis les 40 dernières années, en fait. Fournit donc le service Bike Town. C'est un service super reconnaissable parce que leurs vélos sont orange. C'est en partenariat avec la ville de Portland et son bureau des transports. Nike va donc être le principal, en fait le seul et unique commanditaire de ce système de partage de vélos. Un investissement de 10 millions sur 5 ans pour augmenter le nombre de vélos qui étaient disponibles de 600 à 1000. Donc la marque s'est aussi occupée des designs des stations Biketown, l'identité des vélos et la marque numérique. Les vélos mettent en vedette, bien sûr, le célèbre crochet de Nike et sont peinturés un orange brûlé, que moi, ça me plaît absolument pas comme couleur, orange brûlé. Mais c'est la couleur officielle de Nike depuis 1989. Je ne savais pas qu'ils avaient une couleur officielle. Les paniers sont aussi en forme de boîte à souliers, comme leur boîte de Nike, finalement. Donc voilà, c'est à Portland, en Oregon, une ville qui est célèbre pour être bike-friendly, donc gentil avec les cyclistes. 7% des gens environ utilisent un vélo pour aller au travail. Et en septembre, on estimait que l'économie de vélo amenait 133,7 millions de dollars à la ville par année. Voilà. Les boîtes de Nike, j'ai jamais vu non plus. Oui, c'est beaucoup. J'ai jamais vu de boîte de souliers Nike. Moi non plus. Mais apparemment, ça ressemble à un rack de vélo. Non, c'est pas vrai. J'en ai déjà vu parce que j'en ai eu pour Noël, mais je trouve pas que ça se ressemble tant. Non, hein? Ça ressemble juste à un panier, mais on dit forme de boîte. OK. Tu te rappelles la campagne publicitaire pour Pepsi avec les Pepsi Moji? Oui, je me souviens de ça. Les petits icônes de bonhomme sourire sur les Pepsi au Québec. Eh bien, Pepsi prépare à lancer ça de façon globale. Un peu comme Share a Coke, mais sans les mots, seulement avec des emojis. De toute façon, les mots, c'est tellement 2015, hein? les emojis ne vont pas s'en aller de sitôt, je pense. Absolument pas. Donc, la marque prévoit amener ses canettes et bouteilles avec des emojis dans plus de 100 marchés partout à travers le monde, dont les États-Unis. Ça augmente un programme qui a commencé l'année dernière en Russie, au Canada et en Thaïlande. On était parmi les seuls à avoir les cannes Pepsi Emoji. Ah oui? Donc, c'est le nom de la campagne. Plus de 60... Bon, c'est ça. Bref, ça va être jusqu'à l'été 2016. Voilà. Vous allez pouvoir le dire avec un Pepsi jusqu'à l'été 2016. Un gym crée les premières poupées russes pour mon... Ben, en fait, des poupées russes de comment dire, d'entraînement, hein, pour montrer que vous allez rapetisser en faisant des exercices. Hein. Bref, pour faire que les clients reviennent toujours, la chaîne de CrossFit Brick et l'agence BBDO New York ont créé une série de poupées russes qui illustrent les différents plateaux, les différentes phases de progrès lorsque tu vas au gym. Donc, c'est des Fit Nesting Dolls. Donc, il y a différents buts sur ces poupées-là. Par exemple, perdre du poids, se préparer pour un triathlon. Tout ça avec une clé USB à l'intérieur qui contient une routine de workout située au centre de chaque. Donc, dans la poupée russe, tu vas progressivement être de plus en plus mince sans perdre de grandeur. Malheureusement, comme dit l'article, tu perds seulement de la... Tu perds pas tant de hauteur. Ouais, en fait. Non, c'est ça. Bref, presque pas. Je comprends pas comment ça fait qu'ils sont presque aussi grands les uns que les autres. Sûrement pour faire fitter la clé USB dedans. Probablement. Différents artistes ont travaillé sur différentes itérations de cette même thématique et les résultats sont super mignons et super diversifiés en termes de... ils sont tous aussi gras et blancs. Bon. Puis la fille, elle est vraiment jaune. La fille est jaune. Ah, faut aller plus bas, ouais, j'avoue. Oui. Ça a plus l'air d'un chocolat de Laura Secord. C'est vrai, qu'une dame qui perd du poids. Mais bon, il y a aussi un genre... Elle est jaune avec les cheveux mauves. Ouais. Il y a aussi un gars genre lutteur Lucha Libre avec une grosse moustache italienne. Bref, idée est quand même intelligente par la chaîne de CrossFit Fitness Brick. Voilà. C'est tout pour ce bloc pub. Génial, les liens sur assemblagerequis.com. On prend une pause et au retour, c'est l'heure de parler avec Sébastien F. Guertin et son bulletin Guertin à Assemblage Requis. Reste avec nous. Vous êtes assez fait. 89. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce mercredi 24 février 2016 et Talia Baudin. Avec Mathieu Plante. Talia Baudin qui baille. Oui, je suis fatiguée. Alors que Sébastien F. Guertin fait ses exercices de bouche parce qu'il revient tout juste de l'extérieur, tellement frisquet. Hein? Donc le voici, Sébastien F. Guertin qui, comme toujours, n'a pas le droit de parler avant que son intro est joué. Et c'est le bulletin Guertin. C'est pas Mathieu, c'est toi qui faisais ça. C'est moi ça. C'est ça. Je pense que c'est rendu que tu fais exprès de dire quelque chose pour me, comme pour me faire parler juste avant. Puis tu fais exprès, genre, t'attends pas que j'aie le temps de répondre. Puis tu dis tout. Donc, il a pas le droit de parler avant son intro. Mais tu le vois dans sa face, il dit genre, non, je parlerai pas là. Je me retiens. Ben, je pense qu'il faudrait que tu réévalues tes critères là-dessus parce que c'est rendu que tu me laisses même pas le temps de faire une face. Mais bref, ta face dit tout, même si tu n'as pas l'intention de la faire. C'est vraiment pratique à la radio, ça, d'ailleurs. C'est comme un livre ouvert, ben c'est ça. C'est comme à la radio les jeudis à 13h, heure de l'Est. Exactement. Tu fais tout le temps ça avec Lucas Hubert. Exactement. C'est ça, des faces à 13h le jeudi. Heure de l'Est. Rediffusion le samedi à 9h. C'est ça. 11h, non. 10h, heure du Pacifique. Ouais, non, en fait, vraiment. Ceux qui écoutent sur la côte ouest. Sur la côte ouest, c'est pas mal plus qu'une heure de décalage. 3h. C'est 3h. J'ai dit 10h du matin. T'as dit 10h? C'est 9h. On passe à 9h, heure de l'Est. Anyway, on n'est pas là pour parler de ça matin. Ah non? Mais non. En tout cas, bref. Hein? Non, 13h moins 3. Non, on l'a fait la semaine dernière, je pense. 10h du matin, heure de l'Ouest. Bref, finalement, Sébastien Viertin, t'es là pour nous parler de ta chronique d'actualité. Oui. Et un sujet, j'imagine que tu as choisi de façon très, très pointilleuse. Oui. Directement sur le bobo. Exactement. Sur la gale. Exactement. On va aller gratter des... Non, c'est pas vrai. Ce matin, bon, on a eu pendant 2 ans de gouvernement

Vous écoutez Assemblage Rocky en ce mercredi 24 février 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. On est à quelques minutes justement de la chronique de Tania. Tania is gonna entertain ya. Mais avant ça, on n'a pas entendu de pièce musicale depuis le début de l'émission. Non, puis aujourd'hui, bien, Fred n'est pas là, donc on peut se permettre de mettre un petit peu plus de musique. Absolument. Donc voici Beige Bullet et Infamous pour 89 FM. C'est fou. Saw the pictures, read all your darkest thoughts while you were waiting, ready to brush me off. We could be friendly, we could be out of touch, we could be famous, or even infamous if you are. La boulotte, c'est la pièce Infamous qu'on adore dans Assemblage Rocky. C'est pour ça qu'on l'a fait jouer, bâtard. Hein? Maintenant, tiens, oh, non, mais c'est une voix féminine qu'on adore et une autre voix féminine qu'on adore. Colin, c'est comme s'il y en neigeait des voix féminines qu'on adore. Ooh. Voici celle de Tania. It's gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Je m'y clap, clap, je fais des clap, clap. C'est d'abord quoi ça? Sont pas... Je sais pas sur quel rythme on... Ok, c'est une, deux, un, deux. Un, et Un, deux. On l'a pas partout. On est pas 50. On est pourri. Bref, Tania Baudin, bonjour à toi. Hey, salut. Hey, hey, hey. C'est ta chronique où tu nous divertis avec un sujet différent chaque jour. Et aujourd'hui, oui. Tu nous parles, ben, Crème, on a écouté une voix féminine avant. Mm-hmm. T'es une voix féminine jusqu'à preuve du contraire. Et jusqu'à preuve du contraire. Tu vas nous parler de femme. Mais je pourrais vous prouver que oui, je suis une femme, mais oui, mais c'est ça, mais jusqu'à preuve du contraire. Comment savoir, ça? Ah, c'est ça, exactement. Bref, femme-nous ça un peu. Mais oui, je vais vous faire ça ce matin parce qu'en fait, je vais vous parler de 6 femmes qui sont très inspirantes, qui pourraient devenir en quelque sorte des modèles de féminisme, non seulement au Québec, mais aussi à travers le monde entier, parce que ce sont des femmes qui ont marqué l'histoire en quelque sorte, mais que certaines fois, on ne connaît pas tant que ça. Mm-hmm. Je dois avouer que moi, lorsque j'ai lu en fait l'article sur lequel j'étais tombée, il y a simplement une personne que je connaissais parmi les 6 et je me suis fortement surprise à apprécier les autres femmes qui étaient décrites dans l'article et qui étaient surtout citées pour ce qu'elles ont fait et ce qu'elles ont découvert surtout. Il faut savoir que la plupart ont fait de grandes choses et c'est pourquoi elles sont si remarquables que ça. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'une femme doit automatiquement découvrir quelque chose pour devenir remarquable. Ouais, j'allais le dire, t'es pas très remarquable en matin. Non, non, mais il faut comprendre que ces femmes-là ont vraiment passé certaines choses à l'histoire et elles sont comme restées dans l'ombre face à tout ça. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'elles étaient des femmes? Est-ce que c'est parce que dans ces temps-là, on en parlait beaucoup moins? Vous allez voir avec la première personne dont je vais vous parler, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'on déplore encore aujourd'hui, le fait qu'elle est restée dans l'ombre et surtout qu'on l'ait mise dans l'ombre par rapport à ce qu'elle avait découvert. Donc, la première féministe, appelons-la comme ça, qu'on devrait tous connaître en quelque sorte, est Jocelyn Bell Burnell. Est-ce que tu sais qui elle est? Jocelyn! Collègue de Radio Enfant. Ben oui, non, pas vraiment. Jocelyn Bell Burnell, en fait, c'est la première astrophysicienne à avoir découvert les pulsars radio. Ah? Qu'est-ce que les pulsars radio, premièrement? Eh bien, c'est un objet astronomique, ce serait une étoile à neutrons, en quelque sorte, qui tournerait très rapidement sur elle-même et qui émettrait un fort rayonnement électromagnétique dans la direction de son axe. Ce que ça sert à calculer beaucoup, beaucoup de résonances puis tout ça par rapport à l'astrophysique. Et Jocelyn en a fait la découverte avec son professeur Anthony Hewish en 1967. Déjà en 1967, on est dans une ère où, en temps normal, les femmes commencent à prendre un petit peu plus de place dans le monde médiatisé et tout ça. Mais la découverte a quand même reçu un prix Nobel de physique en 1974. C'était le Nobel Burnell. C'est quoi son nom de famille, la fille? Bell Burnell. Bell Burnell. C'est le prix Nobel Burnell. C'est ça. Voilà. Par contre, ce qui fait encore beaucoup jaser aujourd'hui, c'est qu'Hewish, son professeur avec qui elle travaillait, aurait écarté Burnell de toutes les récompenses par rapport à la découverte et il aurait donné tout le mérite à lui-même et son collaborateur qui était Martin Ryle dans le temps. Comment il s'appelle, le gars? Anthony Hewish. C'est le père de Kanye Wish, ça. Ça doit être ça. Il écarte tout le monde qui doit avoir le mérite, en quelque sorte. Eh bien, sachez que plusieurs années plus tard, elle est devenue la présidente du Royal Astronomical Society et plus récemment, la pro-chancelière de l'Université de Dublin en physique. Quand même bien que Wish ait jamais reconnu le travail de la dame, il faut savoir que son CV et ses récompenses pour d'autres collaborations au monde de la physique est vraiment très impressionnant. Elle se dit elle-même un petit peu déçue face à tout ça parce qu'elle a quand même elle-même fait la découverte. Ouais. Par contre, elle dit qu'elle ne se retrouve pas dans un monde où elle se sent injustifiée parce qu'elle a quand même accompli beaucoup d'autres choses et qu'elle est à la bonne place dans la vie. Donc, de ce côté-là, c'est simplement Anthony Hewish qui devrait avoir le blâme et elle se sent bien, très bien face à ça pareil. Elle a prouvé, en fait, à plusieurs hommes et femmes que même si le mérite ne revient pas tout le temps lorsqu'il devrait, il vaut mieux se retrousser ses manches, continuer à travailler et ne pas causer de scène face à tout ça. Excellent, bien dit. La deuxième femme dont je vais vous parler, on va en parler peut-être un petit peu moins longtemps parce qu'elle a fait simplement... pas simplement, parce que ouais, c'est quand même très gros. Avant. Ouais, c'est ça, je viens de comme la... Mais... Tu fais le Kanye West. Ouais, c'est ça, je viens de faire une Kanye West de moi. Non, elle a fait quand même quelque chose de très grand pour un groupe en particulier, en fait, qui est Macy Jamison. C'est la première astronaute afro-américaine à avoir voyagé dans l'espace. Merci beaucoup. C'est quand même gros. À la suite d'études en biomédical à l'Université de Stanford, elle a réalisé toujours avoir ce rêve qu'elle avait quand elle était petite fille, qui était de voyager dans l'espace et de voir ces fameuses étoiles de près. Et c'est comme ça qu'elle a décidé d'appliquer à l'Académie de la NASA. Wow. C'est sûr qu'en appliquant à l'Académie de la NASA, ils doivent vérifier ton curriculum vitae et savoir que t'es pas nécessairement un 2 de pique. C'est ça, hein? Elle est quand même bachelière en biomédical et si je me souviens bien, elle avait quand même une certaine maîtrise aussi en biomédical. Mais elle a pris son vol pour l'espace le 12 septembre 1992 et c'est la seule fois qu'elle l'a fait. Wow! Donc, elle avait ce rêve-là de voyager dans l'espace et c'est ce qu'elle a fait simplement une fois. Toutefois, l'histoire dit pas nécessairement pourquoi elle a pas continué dans l'art de devenir une astronaute. C'est pas parce qu'elle est morte. C'est pas parce qu'elle est morte, ouais. Non. Moi, je crois plus que c'est pour tout simplement avoir continué du côté de la biomédicale. Lorsqu'elle a fait le voyage, elle a beaucoup utilisé tout ce qui était... comment je pourrais dire, les recherches par rapport à la gravité et par rapport au corps et à la médecine. Et c'est un petit peu pourquoi elle a fait le voyage, en quelque sorte, c'est pour pouvoir pousser ses recherches encore plus loin en biomédical. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette Mae Jamison-là? C'est que la société devrait peut-être reconnaître quelquefois que les hommes et les membres de plusieurs communautés réduites peuvent quand même contribuer à de grandes choses dans le monde et que ça ne veut pas nécessairement dire qu'on devrait ne pas les écouter. Wow! On devrait peut-être écouter. Hey, hein? C'est-tu pas? C'était parfait. La troisième femme que je trouve quand même très inspirante, la plupart, on la connaît tous parce que je crois qu'on nous en parlait assez couramment au primaire lorsqu'on était petit, surtout parce qu'elle parlait français. Mais est-ce qu'on la connaît vraiment dans toute son histoire et dans tout ce qu'elle a accompli? Je parle de Marie Curie. Ah, ben oui! Ben oui, Marie Curie, que voulez-vous? La grande scientifique. La grande scientifique. Comment est-ce que c'est arrivé tout ça, là, le phénomène et Marie Curie en tant que telle? Eh bien, Marie, elle avait fait un pacte avec sa grande sœur avant de faire leurs études et toutes deux allaient travailler à tour de rôle pour payer les études de l'autre. Ah, wow! Donc, comme sa sœur était plus vieille, Marie Curie est partie, elle, pour être gouvernante, travailler en tant que gouvernante et, à ce moment-là, payer les études de sa sœur. Par la suite, quand sa sœur allait avoir été diplômée et terminer ses études, eh bien, ça allait être à son tour de travailler et payer les études de Marie Curie. Maudit bonne idée, ça. C'était comme une espèce de motivation à, un, travailler, et deux, pour l'autre, de continuer ses études à être poussé plus loin, parce que c'est pas nécessairement nous qui payons, mais comme l'autre personne payait, ça faisait en sorte qu'on avait comme... on a comme des comptes à rendre, et je pense que toutes les deux femmes avaient dans l'optique de faire quand même de grandes études. Donc, comme je disais, elle s'est retrouvée gouvernante et après les études de sa sœur, Marie a décidé de partir pour Paris, là où elle a rencontré son futur mari, Pierre Curie, qui va lui donner le nom de Curie. Oui, parce qu'elle ne s'appelait pas Curie à la base. Non, c'est ça. Lors de ses études et de ses recherches, Marie Curie a non seulement fait bien deux découvertes qui allaient vraiment révolutionner le monde. Elle a fait la découverte de deux éléments radioactifs distincts. On parle du polonium et le radio, mais il me semble que c'est pas simplement le radio. Je sais pas pourquoi il y a juste ce mot-là. Le radium? Non. Le radium, voilà, merci. Mon ordi a comme buggé pendant 30 secondes. Ça fait jamais ça des PC, voyons. Ben non, voyons, arrête surtout non. Pas celui en studio. Ben hein. Donc, Marie avait conclu dans ses recherches que la radioactivité n'était pas seulement un atome moléculaire, mais que la radioactivité venait de l'atome lui-même. Là, c'est sûr que ce sont C'est compliqué, ouais, ça. Oui, c'est ça. Je ne suis pas étudiante en physique. T'es supposée nous divertir. Et voilà. mais ça venait quand même... donner un sens à beaucoup de questions par rapport à la physique. Et lorsque les gaz passaient à travers des rayons d'uranium, ils étaient capables de conduire l'électricité. Donc, à ce jour, c'est connu comme étant des rayons radioactifs. Ouais. Donc, elle a comme fait la découverte de ces fameux rayons radioactifs-là. Elle est la seule femme à avoir reçu deux fois le prix Nobel dans deux catégories différentes, soit celui de physique et celui de chimie. Elle a aussi été la première femme à recevoir un doctorat dans le domaine des sciences. Elle est aussi la première femme professeure à l'Académie Sorbonne à Paris. Et elle a reçu la Légion d'honneur du gouvernement de France après avoir créé la première machine à rayons X portable dans le temps de la guerre. Wow! Rien que ça. Tu sais, finalement, là, elle est comme vraiment badass. Tu sais, quand tu dis que tu mets la barre haute pour ta carrière. C'est ça. Hein? Pas si haute que ça. Quand tu dis, ah, moi dans la vie, là, je veux devenir quelqu'un, c'est comme un bon exemple à suivre. Bon, allez faire de la TV. Non, attends. Tu vas découvrir. Excuse-moi, merci, Mathieu. Merci, Mathieu. C'est une blague. Je suis la même affaire que toi, on va se le dire. Non, non, mais c'est pas parce que Marie Curie a fait toutes ces choses-là qu'il faut nécessairement se trouver des projets d'avenir qui sont dans les mêmes termes que ça. Il faut savoir qu'à la base, Marie Curie, elle était passionnée de ce qu'elle faisait. Oui. Donc, trouver quelque chose qui nous passionne, c'est un petit peu ça le but. Par la suite, de détailler son curriculum vitae face à ce qu'on a fait dans la vie, c'est là que ça devient vraiment très important. Exact. C'est pas juste pour faire parler de nous-mêmes qu'on fait carrière, parce qu'à un moment donné, les gens qui tuent d'autres gens, il faut parler d'eux autres, ben sont oui, pas mieux. C'est ça. Fait non. C'est ça. Bref. Il faut savoir comment faire parler de nous et comment se faire reconnaître. Tout à fait. On est rendu à la quatrième femme, qui est Madeleine Gagné. Qui est Madeleine Gagné? Je la connais pas, celle-là, c'est bizarre. C'est un nom qui, pour certains, ne disent pas grand-chose, mais pour d'autres, disent vraiment beaucoup de choses par rapport au futur. Okay. Il faut savoir que Madeleine Gagné est la fondatrice du projet Collins-Miller. Qu'est-ce que le projet Collins-Miller en tant que tel? C'est un projet de recherche indépendant qui prend place à l'Université d'Ohio aux États-Unis. Et le projet tourne autour de la création d'une source d'énergie à base d'algues propres. Okay. Et des algues propres et sûres qui devraient faire du monde un endroit plus propre. Donc, en théorie, on devrait utiliser cette source d'énergie-là pour arriver à comme dépolluer un petit peu notre monde dans un futur rapproché. C'est le projet en tant que tel. Elle aurait parlé au journaliste de la presse, le Vincent Marissal. Marissal, c'est un Marissal. Oui. Il serait propre avec. Ouais, ouais, non. Ce qu'il faut savoir de Madeleine Gagné, et c'est ce qui est surtout très impressionnant, c'est qu'elle est simplement âgée de 16 ans. Ouais. Oui, on a. Madeleine Gagné est âgée de 16 ans et présentement, elle travaille sur un projet de recherche universitaire aux États-Unis. Donc, tu sais, elle n'est pas à 21 ans, là, tu sais, comme elle, hein? Elle ne peut même pas boire, c'est pour non, ça. Non, c'est ça. Elle a tout son temps. qui recherche, en fait, à dépolluer la Terre et rendre notre planète plus propre dans un futur rapproché. Donc, c'est très impressionnant de voir la passion de cette jeune fille-là. Elle a commencé ses recherches dans son sous-sol en cinquième année parce qu'elle trouvait que la Terre était trop sale et qu'il devrait y exister un moyen naturel de dépolluer cette planète-là. Tu sais, comme moi, à 16 ans, là... On dira pas ce que tu faisais, hein? Ben, j'allais aux courses. Ouais. Puis je me préoccupais pas de choses tant existentielles que ça. C'est ça. Elle, à 16 ans, est dans son sous-sol puis est en train de faire des recherches puis des algorithmes assez poussés, merci, pour pouvoir dépolluer la Terre que ça fait des millions d'années qu'il est pollué. On la félicite, faut du monde comme ça. Ah oui, oui, oui, tout à fait. C'est l'exemple que malgré un jeune âge, si on cherche à s'informer sur un sujet puis à changer certaines choses, c'est totalement possible. Ouais. C'est pour ça qu'elle est devenue un certain rôle de féminisme parce que simplement âgée de 16 ans, elle devient un exemple incroyable pour la jeunesse d'aujourd'hui et de se dire surtout qu'elle a l'âge tellement, je vais pas dire tellement bas, mais elle est tellement pas âgée encore que ce qu'elle peut faire dans le futur... Il y a beaucoup de temps devant elle. C'est incroyable. Ouais. Si elle reste passionnée de ce qu'elle fait présentement, c'est sûr que cette fille-là va devenir quelqu'un qui devrait, en théorie, peut-être un jour recevoir un prix Nobel. La prochaine Marie Curie. Voilà. Qui sait? Peut-être! Peut-être! La prochaine Marie Curie. Puis elle apprendra peut-être pas le nom de son mari. Oh, peut-être pas. Ça va être en 2005. Peut-être pas. Si elle se marie, elle n'est pas obligée. Non, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Ouais. T'as bien raison. La cinquième femme dont je vous parle, c'est Ada Lovelace. Ben oui, les ordinateurs. Oh, toi, oui, tu connais ça, évidemment parce que tu es passionnée des ordinateurs. Ça, je ne la connais pas assez. En fait, je pense que je vais en apprendre pas mal de toi. OK, je vais essayer de faire ça de façon pas trop compliquée parce que c'est quand même... Lorsque j'ai lu sur la femme, c'est des algorithmes, c'est des formules, c'est quand même assez c'est difficile, mathématique, ouais. C'est mathématique, mais je vais essayer de faire mon gros possible pour démystifier qui est Ada Lovelace pour vous, mesdames et messieurs. Donc, elle est plus connue sous le nom de la magicienne des nombres, et Ada Lovelace est la première auteure de programmes informatiques. Elle est née dans le début des années 1800, donc déjà en partant, les ordinateurs, c'était pas top dans ce temps-là, mettons. Puis elle a passé une grande partie de sa jeunesse clouée au lit à cause d'une maladie quelconque. On décrivait pas nécessairement la maladie dans sa biographie. C'est ça. La raison de sa maladie va pas faire en sorte qu'elle va devenir la magicienne des nombres. Ouais. C'est pas important. Donc, fait juste garder en tête qu'elle était clouée au lit. Et malgré le fait qu'elle était tout le temps toute seule chez elle, elle rêvait toujours de s'éduquer et d'en apprendre beaucoup plus sur les nombres et les calculs. Elle était en fait convaincue dès son plus jeune âge qu'un jour, il pourrait y avoir des machines qui calculeraient des nombres et des symboles. Elle voulait s'éduquer pour justement apprendre par rapport à tout ce qui était possible par rapport aux nombres et aux calculs et aux équations. Et après avoir connu le professeur Charles Babbage... qui lui est connu comme étant le père de l'informatique. Monsieur Balise. À l'université, ouais, c'est ça, Monsieur Balise. À l'université, parce qu'il faut savoir qu'après un certain temps, eh bien, elle s'est défaite de sa maladie et elle a pu continuer ses études universitaire et supérieure. Donc, elle a rencontré ce professeur-là à l'université qui, lui, un jour, lui a demandé tout bonnement, des années après ses études, de traduire un article qui avait été écrit par Luigi Menabre sur le moteur d'analyse que le professeur avait créé. Donc, si on comprend bien, il y avait un article qui avait été écrit sur le professeur et ses recherches, et lui a demandé à Ada de le traduire dans la langue qu'il voulait. En fait, quel était le moteur d'analyse en quelque sorte? Bien, c'était un moteur qui pourrait éventuellement faire des calculs mathématiques. On est encore à l'ère où les ordinateurs n'étaient pas poussés à ce moment-là. Donc, on était en train de justement développer et de faire des recherches quant à ça. Elle a non seulement traduit l'article, mais elle a eu assez d'audace pour y ajouter ses propres notes sur le système séquentiel des nombres de Bernoulli. C'est un petit PS qui a pris sûrement quelques pages, je pense. C'est ça, ouais. Mettons. En mathématiques, il faut savoir que les nombres de Bernoulli, c'est ce qui constitue une suite de nombres rationnels, et c'est ça qui est utilisé dans plusieurs domaines aujourd'hui. Je vais vous avouer que j'ai fait des recherches sur les nombres de Bernoulli, là. Je vous passerai pas une demi-heure à décrire qu'est-ce que c'est exactement, parce que juste regarder les séquences, j'ai absolument rien compris. Perdu complètement. Ouais. C'est comme un mélange d'algèbre et de d'autres choses incompréhensibles si on n'a pas étudié en mathématiques. Alors, donc, de ce côté-là, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez taper sur Internet un nombre de Bernoulli et vous allez voir qu'est-ce que c'est. Bernoulli, N-O-U... C'est ça. Oui. Et aujourd'hui, c'est traduit aussi en mathématiques par les formules BN à la 2, si je me souviens bien. Okay. Si je me souviens ce que j'ai vu lorsque j'étais en train de faire mes recherches. Aujourd'hui, on n'entend plus ça sous nombre de Bernoulli, on l'entend sur BN à la 2. Okay. Cool. Donc, ce sont des séquences qui sont utilisées dans plusieurs domaines, entre autres l'informatique encore aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on retrouve encore des similarités entre les notes d'Ada Lovelace de cet article-là et les programmes informatiques utilisés dans les ordinateurs les plus poussés en 2016. Wow! Grâce à elle. Tu sais, quand on dit d'avoir l'audace de faire quelque chose, là, c'est pas mal ça. Wow! Et c'est comme ça, en fait, qu'elle est devenue la magicienne des nombres et la première auteure de programmes informatiques, parce qu'elle a eu l'audace de se dire, dans un article qui est déjà écrit, je vais y intégrer mes propres notes sur les recherches que j'ai faites. Comment il sentait le gars après, tu sais, genre? C'est ça, hein? Le gars qui a écrit l'article. Qu'on m'a reviré de bord, genre. C'est ça. Il te manquait plein d'affaires, man. Le gars qui a fait l'article devait se sentir juste un petit peu inférieur à la femme. C'est ça. Mais bon. Donc, c'est l'exemple même que d'avoir un rêve, même quand on est jeune, c'est possible. Il faut juste avoir de l'audace. Keep dreaming. Keep dreaming. La dernière femme dont je vous parle, c'est Carol W. Grader. Qui est elle? Elle est une biologiste moléculaire et professeure à l'Université Johns Hopkins. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là? Eh bien, elle a découvert la télomère. Qu'est-ce que la télomère? vous allez me demander, parce que moi non plus, au moment où que j'ai lu l'article, je ne savais point. Comme dans « Où es-tu, maman? Où es-tu, maman? Ben, ah, t'es là, mère! » Ouais, non, c'est pas vraiment... Pas c'est pas comme ça exactement, mais peut-être mais pour que... Peut-être ouais, c'est peu, ça. Ouais. Le télomère, en fait, c'est un enzyme clé utilisé dans la recherche sur le cancer et l'anémie dans le monde entier aujourd'hui. Donc, elle est une des séquences répétitives à la fin des chromosomes, l'espèce d'ADN d'une cellule. Et c'est comme je le disais, c'est un enzyme qui est très important sur la recherche sur le cancer et l'anémie. Chaque fois qu'une cellule se divise, les télomères se raccourcissent et ces séquences sont souvent désignées comme l'horloge moléculaire de la cellule. Donc, c'est ce qui va donner un petit peu la durée de vie d'une cellule. Elle a fait la découverte de ça. T'sais, comme d'habitude, là. C'est un lundi. Là. C'est ça. Elle lisait le journal, puis de côté en marge, elle faisait ses notes là-dessus. Petit brouillon, les petits dessins, puis après, ouais, tu tombes là-dessus. Ce qui est impressionnant de cette femme-là, c'est que non seulement elle est biologiste, déjà en partant, je lui lève chapeau. Mon chapeau, mm-hmm. Mais c'est qu'elle est une biologiste dyslexique. Hein? Oui! OK, donc elle a de la misère à voir les lettres correctement. Et, exactement. Ouais. Mais elle a quand même fait la découverte de quelque chose qui est révolutionnaire là, dans le monde de la recherche sur le cancer. Et vous, quelle est votre excuse? Exactement! Si elle a pu faire une des plus grandes découvertes par la science médicale, là, elle est la preuve que les gens atteints de dyslexie ou n'importe qui d'autre peuvent arriver à n'importe quoi s'ils le veulent. Oui, oui, oui. Tu sais, la fille, elle a de la misère à lire, elle a de la misère à écrire, elle inverse des lettres, elle inverse des je pense qu'on inverse des mots aussi parfois ouais, lorsqu'on lit. Donc, cette femme-là, en ayant même cette difficulté d'apprentissage-là, elle est devenue une des femmes les plus importantes dans la recherche du cancer. Tu l'as dit des modèles, ces gens-là. Eh, hein? Mmh. Moi, je me sens pas mal deux de pique à côté de ces six femmes-là, je vais vous avouer. Foutaille ailleurs qu'à RDS. Ouais, c'est ça. C'est un insight, vous irez la voir sur Facebook. Ouais, c'est ouais. Bon. Hein? Je me trouve bien drôle. On va continuer nos recherches. Mais tout ça pour vous rappeler que non seulement il y a des femmes qui ont changé le monde, mais qu'elles ne sont pas nécessairement toujours mises à l'avant. Ça, c'est six d'entre elles, mais il y en a combien d'autres? La fille qui, que le gars a pris le crédit, c'est pas le fun, là. Jocelyn Bell Burnell, c'est incroyable. Sérieux. Puis aujourd'hui, vous allez taper son nom sur Google et c'est la chose qui revient le plus. Il n'a jamais voulu reconnaître le travail qu'elle avait fait parce qu'elle était simplement... une étudiante. Ouais. Ça, il y a plein... aujourd'hui encore, ça doit arriver plein de fois, là, des filles qui découvrent des choses, puis c'est des gars qui prennent le crédit. Ou des professeurs qui prennent le crédit pour un étudiant. Tout à fait. Parce qu'en théorie, c'est un étudiant. Mais la personne qui a fait la découverte, c'est pas le prof. C'est ça. L'étudiant. Oui. C'est parce que le prof payait l'étudiante, peu importe. Ou, exact. Hein? En tout cas. Ouais. C'est... Puis elle a passé sa vie dans l'espèce de déni. Dans l'ombre. Dans l'ombre de cet homme-là. Mais c'est quand même elle qui a fait cette découverte révolutionnaire-là. Ouais. Ça reste que c'est elle qui est passée à l'histoire. Parce que le gars... Ouais. On a fini par l'oublier. Ouais. Ben, lui a reçu le prix Nobel, en fait. Donc, donc de ce côté-là, oui, il est quand même reconnu. Il y a eu quelques livres à son actif. Mais reste qu'il a pris le mérite qui ne lui revenait pas. Maintenant, on sait qu'il était le crédit bon. Oui, hein? Et on voilà. On l'a dit. C'est six femmes très inspirantes. Qu'on devrait tous connaître, en théorie. T'en connaissais combien? Là-dedans, deux, avec Marie Curie et Ada Lovelace. Oui, parce que tu connaissais Ada Lovelace. C'est tout. Le reste du résumé, mettons. Jocelyn Bell Burnell, qui a découvert les pulsars radio. Macy Jamison, qui est la première femme astronaute afro-américaine à avoir voyagé dans l'espace. Marie Curie, qui a fait la découverte des rayons radioactifs. Madeleine Gagné, simplement âgée de 16 ans, qui a comme projet de recherche... comme ça, à l'Université d'Ohio, de dépolluer notre planète. Et Ada Lovelace, qui est la première auteure de programmes informatiques. Et Carol W. Grader, qui, elle, est la femme qui a découvert un enzyme clé utilisé dans la recherche sur le cancer. Voilà, j'en connaissais en effet deux. Maintenant, tout le monde en connaît six. Merci beaucoup, Tania Baudin. Ben, ça fait plaisir. On se quitte en musique? Ben oui, on va se quitter avec une pièce que j'ai trouvée sur Internet en écrivant, tout simplement, je faisais une recherche sur les chansons qui étaient inspirantes pour les femmes. Et j'ai trouvé cette chanson-là que je trouve quand même très bonne. C'est d'une artiste indie. Elle s'appelle Banks et la pièce s'appelle Goddess. Assemblage requis. my shoulder. Fucking with a cousin and get a little colder. Goddess par Banks, une pièce qui fait référence entre autres aux femmes qui se font dénigrer par les hommes et peut-être même parfois comme Jocelyn Bell Burnell prendre le crédit. Ben voilà. Ouais. Merci Tania. Et ça fait plaisir. Très bonne chronique, comme Merci. Toujours, mais particulièrement. Ouais. Ouais, vraiment bonne. Ouais. Au retour. Oui. On va s'acheter quelques gadgets. Oh. Hey, dans 5, 6, mais ça ne devrait pas. L'heure est ça. Vous êtes assez fou. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous écoutez Assemblage Reiki en ce mercredi 24 février 2016. Natalia Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, maintenant, il nous reste une quinzaine plus de minutes parce qu'on dépasse tout le temps le mercredi. pour s'acheter des gadgets, oh. Un peu sur Internet, voici ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets ridicules. Tantôt, dans le bloc pub, on a comme fait, genre, un bon 17 pubs en 15 minutes. On peut bien en faire. On peut bien battre ça. On peut bien faire un bon 20 gadgets. Donc, commençons avec un... Ah! Ça, là, dans la cuisine, là. Un four, OK? Un petit four pour fabriquer vos propres cuillères mangeables. Hein? C'est le Edible Spoon Maker, un appareil qui va faire cuire des cuillères de plastique en 3 à 4 minutes. Il faut donc rouler la pâte et couper des formes, peu importe, et ensuite mettre ça dans la machine. Donc quand même, ça, c'est pas tant d'étapes que ça, mais c'est comme un petit four à crêpes ou à gaufres. Sauf qu'à la place, c'est en forme de cuillère. Donc tu vas rouler la pâte, tu vas la mettre dans le gadget, tu vas fermer ça, tu vas faire des cuillères mangeables. Mounoum, mounoum, mounoum, tu manges des patates pilées avec ça. Patates pilées, du beurre. T'imagines manger du Nutella avec ça? Ah, je l'imagine maintenant, puis je salive. Du spéculoos. Comme l'autre fois, au biscuit. Ce mot-là me trouble. Spéculoos, moi je sais. Ça ressemble à une mauvaise... Spéculum, je sais. Non, dans Harry Potter. Un sort, ouais. C'est aussi le nom de ma mère, fait intéressant, Spéculoos Lusnia. Non, c'est Luce. Oh mon Dieu! Elle s'appelle Luce et Spéculoos Lusnia, c'est drôle. Ensuite... Je viens d'être traumatisée. C'est très drôle. Urilift. Maintenant, c'est un urinoir en public qui s'auto-nettoie. On a une à Trois-Rivières. Qui s'auto-nettoie. Est-ce qu'il sort du sol? Non. Ah! Ben on perd. Trois-Rivières, ville d'histoire et de culture. Super. Donc, Urilift, c'est un urinoir, j'allais pas dire une. Un urinoir. Ouais. Auto-nettoyant, pop-up, qui sort du sol. Ça va être installé à Perth, dans l'ouest de l'Australie. On peut accommoder jusqu'à 3 pisseurs en même temps et c'est commandé à distance. Donc ça va être, ça va monter automatiquement les vendredis et samedi soir et ça va retourner dans le sol le dimanche matin. Le reste de la semaine, tu pisses le trottoir avec ça. Hein? Donc Urilift, U-R-I-L-I-F-T et à trois côtés, donc urinoir, il n'y a pas de porte, t'es pas caché de personne. Mais comme c'est un urinoir, tu ne sais pas trop voir ton, ton gadget inutile. Dans mon cas. Ensuite, c'est un, pour pratiquer les tatous que tu veux te faire faire, ou même, en fait, plus pour si tu veux toi-même te dessiner ton propre tatou, Tania. Ouais. Mettons, tu as du talent en dessin, tu veux dessiner, mettons, tu veux dessiner une fleur, mais tu as de la misère à dessiner sur une page blanche parce que tu t'imagines pas de quoi ça va avoir l'air, ouais. Côté grandeur, couleur sur ta peau. Mm-hmm. Donc, c'est le Tattoo Drawing Notebook disponible chez Sock UK. C'est un livre de 100 pages rempli de différentes photos de corps, de différentes parties du corps sur lesquelles dessiner. C'est vraiment génial. Oui, il n'y a pas de partie privée, malheureusement. Non. Donc, tu ne pourras pas dessiner ton, ton dessin préféré sur ton engin, encore une fois. Donc, voilà, ben, c'est encore ça. Encore une fois? Oui. Ben, si on vient de parler d'engin. Tu fais ça souvent, dessiner non, sur ton engin? Non, on vient de parler de pipi, c'est okay. Juste ça. Donc, chaque page est unique. Bras, mains, dos, ventre et plus. Une fois que vous avez trouvé la partie du corps que vous voulez, sur laquelle vous voulez tatouer, ben, vous avez juste à dessiner avec de l'encre normale et après ça, peut-être amener ça à votre tatoueur et ça va être plus facile de lui montrer ce que tu veux, à quel endroit exact, de quel, à quel angle, etc. etc. Donc, voilà, ça vous simplifie la tâche. Ensuite, c'est un foulard qui ressemble à une licorne. À une licorne qui vomit. Arc? Elle vomit son intérieur, mais son intérieur, comme c'est une licorne, c'est un arc-en-ciel. D'accord. En fait, je pense que ça sort par le derrière, c'est ça. C'est, par... c'est un gif animé, ça va très très vite. J'avais l'impression que c'était sa bouche, mais non, c'est son derrière. Donc, c'est ça. Ça va bien, on se comprend. Non, en partie, troublant. C'est en partie, vraiment troublant. En partie foulard, en partie peluche, 100%, complètement fou. C'est le Unicorn Poop and Zombie Entrails. Arc, t'as-tu vu, il y a un zombie? Oui, j'ai oui, en effet. 49$ avec shipping gratuit aux États-Unis. Donc, t'as Zombie Entrails Scarf, où là, ça lui sort du cerveau, du, dans le fond, ça lui sort des, des bouts de cerveau de la tête. Et le Unicorn Poop Scarf sort de ses fesses. 9 pieds de long, 5,5 pieds. Pardon, c'est quoi ça? 9 pieds de long comme le foulard au complet. Uh-huh. 5,5 pieds de à partir des orteils jusqu'au bout du cerveau ou du nez jusqu'au bout du caca. Hein? Ouais. Et 5,75 pouces de large. Voilà. Hey! Vraiment cool, il y a une petite vidéo de démonstration, c'est sur Kickstarter en ce moment. Est-ce donc, que tu crois qu'ils vont en vendre? Ben d'après moi, oui, c'est 49$ pendant la campagne. Allons voir justement s'ils se sont à s'ils sont à moitié environ. 12 000 sur 24 500 $. Il reste encore 22 jours. D'après moi, ça va se rendre. Qui pense à ça? Ah, des gens qui ont de l'imagination et les gens qui ont de l'argent à dépenser par les fenêtres sur Kickstarter. Ah hein? Oh boy. Mais l'idée est cool. Ensuite. Et le zombie est vraiment dégoûtant. Mais je préfère la licorne. Est-ce que licorne est un mot féminin ou masculin, tu penses? Une licorne. C'est une licorne. Tu dis ça de même à travers ton chapeau? Ou? Ben, c'est une licorne. Ben, c'est un trombone pis c'est un trampoline, tu sais, fait que tu peux pas te fier, hein? Ben, tu dis-tu un licorne? Ben, je sais pas, je suis en train d'aller voir. Non, c'est féminin, t'as raison. Bon. Mais ben, tu sais, ça aurait pu, on s'entend. J'exige des excuses. Je m'excuse, mais à vous, avec trombone et trampoline, fallait que je vérifie. C'est vrai. Hein? Bon. C'est un trampoline? C'est un trampoline ouais. Et un trombone. Bon. Ben, Moses. Hein? Excuse-toi. Je suis d'accord. Excuse-toi. Je m'excuse. Bon. tu te rappelles dans Star Wars le générique d'ouverture? Oui, je me souviens de ça. Lâche Tinder. Avec, je suis pas sur Tinder. Je t'achète. Tu te rappelles le générique d'ouverture où ça montre le texte monte à l'écran? Oui, là, c'est dans une galaxie très loin d'ici. T'es, exactement. Bref, le générique d'ouverture de Star Wars, tout le monde le connaît. Et oui. Après plusieurs années à avoir vu ça dans différents... il y en a eu 7 films officiellement. Vous pouvez maintenant vous le mettre sur le poignet. Hein? Pour dire que t'es vraiment geek. OK. Hein? Donc, c'est le Rap Bracelet de Love and Madness qui capture ces mots-là, plaqué or et en cuir. Un accessoire pour tous les fans de Star Wars. Il y a des photos Instagram sur assemblagerequis.com. C'est vraiment un bracelet en cuir avec par-dessus des petites étiquettes dorées plaquées or avec les mots, bon, In a Galaxy. Ensuite, une autre étiquette, bon, Far, Far Away avec, encore une fois, et là, on a vraiment l'attention aux détails. George Lucas a une obsession compulsive. Il met tout le temps 4 petits points à la place de 3. Oui, tu donc, disais ça l'autre jour. Ouais, et même sur le bracelet, c'est les 4 petits points parce qu'il faut être fidèle. Ah, ça. Ouais. C'est vraiment cool. Un jour, j'irai voir pourquoi il y a 4 petits points. D'après moi, c'est une question de nombre d'enfants ou quelque chose de genre. Je le dis à chaque fois, mais je veux savoir pourquoi. Tu sais? J'ai envie de chercher. Fais la recherche là. Ouais, là. C'est ça, je suis en train de faire. Le, four dots. Reason. Star Wars. Je m'excuse. Chaque version se termine avec une ellipse de 4 points. C'est un article Wikipédia, il va falloir que je cherche sur la page. Four dots. Ellipse. Bon. Mais t'as peut-être raison, c'est peut-être par rapport aux enfants. C'est pas marqué sur par la page contre, Wikipédia. En littérature, il n'y a pas quelque chose qui dit que c'est plus. Oh, je me souviens plus. Attends, je vais chercher moi aussi en même temps, là. Il y a personne qui répond, on dirait. OK. OK. Lucas a dit que le générique d'ouverture est inspiré des génériques d'ouverture utilisés au début de chaque épisode de la version originale de Flash Gordon et Buck Rogers, qui était l'inspiration pour George Lucas. Donc, j'imagine qu'il y avait aussi 4 points, mais là, il faut aller à l'origine. Mm-hmm. Bref, je pense que ça va être trop long à chercher ouais, live. Pense que ouais. Malheureusement, d'habitude, on est bon là-dessus, mais pas ce coup-là. Hey, je vais-tu mettre feu aujourd'hui, c'est pas? Peut-être. Aussi, en plus. Peut-être, sûrement. Ça fait une excellente chronique. Allons-y maintenant avec des crayons. Avec des indices chimiques qui vont aider les enfants à apprendre la chimie. Okay. C'est une boutique sur Etsy qui s'appelle Que Interessante qui vend ces autocollants-là qu'on colle sur les crayons Crayola. Donc, t'achètes pas les crayons, t'achètes les étiquettes. Et ça liste l'indice chimique qui va fabriquer une couleur particulière. Oh, c'est cool! Donc, les autocollants viennent avec un guide pour dire quel produit chimique va aller sur quelle couleur. Comme ça, vos enfants vont pouvoir apprendre les éléments tout en colorant avec leur crayon de cire. C'est pas magnifique ça. Donc, t'as le cuivre, t'as technétium, métal, vanstadium, olivine, etc. Évidemment, c'est leurs termes, les termes utilisés en anglais. Mais par exemple, rubis va aller sur le rouge-violet. Violette? En tout cas. Phéomélanine va sur le rose. Carnation? Carnation pink? Bref. Ensuite, c'est le site smell.dating. Smell.dating, c'est le premier service de commande d'odeur ou de fragrance par la poste. Comment ça fonctionne? Il y a 7 étapes, je vous les lis. Première étape, on vous envoie un t-shirt. OK. Deuxième étape, vous portez le t-shirt pendant 3 jours ou 3 nuits sans désodorisant. Étape 3, vous renvoyez le t-shirt dans une enveloppe prépayée. 4, on vous envoie des échantillons de votre t-shirt portés par une sélection de d'autres personnes. 5, tu sens les échantillons et tu nous dis qui tu aimes. 6, si quelqu'un dont tu aimes l'odeur que t'aimes toi aussi, on va faciliter l'échange d'informations pour que vous puissiez vous contacter. Et numéro 7, le reste est à vous. Donc, tu te commandes une personne par son odeur. C'est dégueulasse. Est-ce que tu as regardé la petite vidéo un petit peu? Non. J'ai envie de la regarder un petit peu moi-même. Est-ce que je la vois de mon côté? Oui. Ah, même que j'ai... Caroline, j'ai l'image et le son, mais que me vaut cet honneur? Donc, les gens sentent le t-shirt. Ah, c'est comme trop sensoriel, cette vidéo-là. Tu sais, les vidéos... C'est dégueulasse, ça m'écoeure. C'est quoi? C'est ISMR, je pense, sur YouTube. Les gens qui sont allumés ou sont titillés, ils ont des frissons dans le dos quand ils entendent des gens mâcher, gratter la peau. Mm-hmm. Tu sais, ça ressemble à ça. Donc, intuition moléculaire, un nouveau type de connexion, le premier service de commande par odeur, smell.dating. Mais t'as-tu vu, le site est fermé aux nouvelles entrées? Oui, présentement, il faut entrer son adresse courriel pour recevoir une lettre d'information lorsqu'il y aura des mises à jour par rapport à ça. Donc oui, pour l'instant, c'est fermé temporairement. Voilà. Mais smell.dating est l'adresse. Il y a comme une section qui est des questions, en fait, puis il y a quelqu'un qui demande « Si je suis en train de rechercher une relation sérieuse, est-ce que ça peut m'aider? » Et la réponse est que l'appareil olfactif est une source non négligeable de l'information et de l'étendue de son impact sur notre vie sociale, et elle est inconnue de tous. Cependant, quand il vient à un partenariat à long terme romantique, il peut effectivement être plus risqué d'ignorer le signal d'odeur que de compter sur elle. Wow! J'aime aussi la question, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à vos participants leur orientation sexuelle ou leur genre? Ils disent que l'odeur, dans le fond, qu'il y a des préjudices envers les odeurs, mais qu'en général, même dans des expériences avec les yeux bandés, les préférences d'odeur odorifique ou peu importe des gens matchent avec leur désir sexuel. Donc, t'as tendance à être attiré par les odeurs qui sont féminines ouais. versus les odeurs masculines si t'es un homme hétérosexuel, mettons, okay. ou si t'es une femme. Bref, ça marche comme ça. Donc, c'est clair pas besoin de le dire. C'est clair que je mâcherais avec un homme parce que je trippe sur l'odeur. L'odeur du gars, le viril, là. Hein? Ouais. Hasbro et Marvel vous offrent d'acheter des répliques de cosplay pas chères pour votre prochaine visite au Comic-Con. Bonne nouvelle pour vous, les cosplayers. Donc, Marvel et Hasbro qui vont sortir une ligne d'accessoires très détaillés, mais qui ne coûtent pas aussi cher que les répliques qu'on a habituellement. Ça commence avec le bouclier du Captain America et le casque de Iron Man. Le casque de Iron Man qui a une devanture enlevable avec des lumières et des effets sonores, alors que le Marvel Legends Captain America a un bouclier de 24 pouces de diagonale, la même grandeur que celle du film, et ça vient avec un faux fini un fini faussement métallique, et non pas un faux fini, c'est un vrai fini, mais faussement métallique, et des bandes ajustables. Les deux coûtent environ 100$, vont être disponibles à l'automne. Ils sont présentement disponibles en précommande, c'est vraiment réussi, vous n'avez pas à travailler vous-même dessus, j'avoue, pourquoi pas. Tant qu'à porter un costume pour le Comic-Con. J'avoue. Est-ce qu'il t'a vu? Vas-y. Je te coupe, là, mais ça vient de sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Là, sur Facebook. Dis-le. C'est les nouveaux émoticons à liker les posts. Ah, ça vient sur ton Facebook à toi? Sur les Facebook de tout le monde. Sur tout le monde, t'es sûr? T'as un pouce maintenant, t'as un cœur, t'as un petit bonhomme qui rit, un bonhomme surpris, un bonhomme qui pleure et un bonhomme fâché. Hey, breaking news, toi, hein? C'est s'en passe des choses sur Internet. C'est des réactions par rapport au post. Parce que je ne l'ai pas encore sur le mien. Ah, je l'ai. Oui. Bon. Bref, merci, Tali. Ça fait plaisir. Ensuite, le coloriage est bien à la mode en ce moment. Tu le sais, on en parle à chaque semaine à peu près. Il y a maintenant un livre à colorier de X-Files aux frontières du réel. Ah, ouais. Ouais, juste à temps pour la nouvelle série, la nouvelle saison qui vient de commencer. C'est un livre à colorier de 12$ officiel, disponible chez iam8bit.com. 32 pages avec 16 illustrations originales de la part de Ler Bedelchiz. Des casse-têtes, des puzzles et des jeux à jouer. Donc, parfait pour les amoureux du paranormal de votre vie. Donc, The X-Files Coloring Book. The Official X-Files Coloring Book. Mais d'après moi, ça va vraiment beaucoup plus aux enfants. Oui, ça a l'air enfantin pas mal. Mais en même temps, c'est très à la mode le coloriage chez les adultes en ce moment. Vrai, donc, pourquoi ne pas le faire? Maintenant, peut-être démarrez-vous une nouvelle mode avec ces... ongles poilus. Ah non, c'est dégoûtant. Ça. Ouais, donc des manucures poilues, c'est apparemment très très vrai. Il n'y a pas grand détail de plus, mais en fait, c'est comme des ongles avec des poils qui sortent sur le dessus et vous allez vous-même vous faire installer ça ou vous installez ça vous-même. J'ai aucune idée comment vous allez faire ça. Je sais pas, mais c'est horrible. C'est horrible. Et la fille, sur les photos sur assemblagerequis.com, en plus, l'air de soit avoir vraiment beaucoup bu. Ou pleurer. ou pas dormi, ou un mélange des trois, ou choisissant en deux sur trois. Si en plus, t'as des ongles poilus, t'as l'air de vraiment pas t'entretenir, mais en même temps, on juge pas celle qui ne se rase pas. Non, mais c'est clairement parce qu'elle est pas contente de faire cette publicité. Peut-être. Elle sait qu'elle a l'air folle, mais complètement folle. Mais bon, c'est un genre. Ouais. Pas le mien, en tout cas. Non, moi non plus. Ensuite, c'est super facile de faire votre propre bière à la maison avec le Mini Brew. C'est votre propre brasserie. À faire de la bière à la maison, ça peut être amusant. Je connais quelqu'un dans la Luître, Vincent Rainville, qui fait sa propre bière. Et souvent, lors de party, on a juste à fournir un petit 5$ ou 10$ et il y a la bière fournie de Vincent. C'est cool, hein? Donc, le Mini Brew automatise tout ça pour rendre ça plus facile. Ça fait des batchs de 5 litres de bière avec littéralement rien à faire autre que de démarrer la machine. Il y a très peu d'informations sur l'appareil. Ça dit que ça va être avec des packs d'ingrédients ready to brew, donc prêts à brasser, produits par des micro-brasseurs de partout dans le monde. Et ça va sortir dans un portable keg, un keg portable qui est froid, donc refroidi et prêt à mettre en fût. C'est présentement en développement, ça va vous coûter 2175$ américains pour en être propriétaire. Une fois que ce sera disponible dans le deuxième quart de 2016, très cher, mais en même temps, pour faire ta propre bière, si t'en bois beaucoup, tu pourrais économiser pas mal. C'est vrai. Ça commence à coûter cher du mal de vendre, par contre, pour moi. Avec ce houblon-là, mais bref. Et avec les packs faciles à faire, ça pourrait être pratique pour tout le monde. Ensuite, on reste dans la cuisine pour un verre de pierre. C'est pas votre tasse de porcelaine habituelle, c'est la Stone Cup. C'est fait de marbre noir métamorphique qui a passé des siècles à filtrer de l'eau de source. Donc, c'est un verre qui est parfait pour vos boissons réconfortables. C'est un design courbé qui est parfait pour tenir dans la main. Et ses propriétés thermiques vont vous permettre de garder chaud dans un four. Vous pouvez le mettre dans le four. Ou encore le refroidir dans le réfrigérateur ou le congélateur pour garder votre verre chaud ou froid avec la boisson qui est à l'intérieur pendant plus longtemps. Ça va au lave-vaisselle. C'est très lourd, donc ça se tient bien. Ça va pas, mettons, tu l'accotes, tu tapes un petit peu dessus sans faire exprès, ça va pas tomber. Ben, c'est très, très lourd et c'est facile à nettoyer. Sur Kickstarter, on demande 55$ pour deux verres. C'est vraiment très, très beau. Ça a l'apparence, je dirais, d'un... D'un quoi ça pourrait avoir l'air? Un verre à l'envers, un verre courbé là, ouais. À l'envers, parce que le dessus est plus large que le bas. Ben, on dirait même pas un verre, en fait. Absolument pas, c'est super beau, c'est pas vrai. On dirait une pierre. J'adore. Kickstarter, donc 55$, ils sont à 74 370 sur 6500, ils ont vraiment de loin dépassé leur, leur but. C'est The Stone Cup Refine Your Drinking Experience. Voilà, je pense qu'on va arrêter ici pour ce bloc de Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, on va en faire d'autres. D'après moi, dans l'émission de demain jeudi, on va avoir du temps pour en faire d'autres. Mais pour l'instant, ça va être la fin de cette édition d'Assemblage requis. Oh oui, on remercie le seul chroniqueur d'aujourd'hui, Sébastien Evgartin. Oui, ben oui, parce que Fred n'était pas là. Exactement, Fred va être de retour la semaine prochaine pour une autre chronique Google Globe. Demain à l'émission, on sera jeudi, on va avoir une grosse pointe en dresse pour goûter un produit du tiroir. Sinon, sur nos ondes à 11h, le dîner co avec Danny Janvier. Ensuite, en après-midi, je vais être de retour pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, l'émission de technologie et de choses geek. Ensuite, à 17h, l'émission de musique électronique audiomatique. À 20h, de la musique variée dans Radio Sonic. Mais dans une demi-heure environ, ce sera Compte à rebours, l'émission de Compte traditionnel avec Antoine Lamoureux. Ça commence à 10h. Heure de l'Est sur C'est Fou. C'est.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Ce fut un plaisir. Comme à chaque jour. On se quitte avec Rouge Pompier et la pièce Autobus. Un petit morceau bien rapide et on se retrouve demain à 6h30. Bye! Bye, bon café! Rappelle-moi, Jess Feuille.